Bienvenue sur le Toki Wiki Wiki Toki Podcast. Je suis Héloïse, je viens de Paris et j'ai déménagé à Montréal pour faire des études d'anthropologie et d'arts libéraux à l'Université anglophone Concordia. Le bilinguisme à Montréal est sûrement la chose qui m'a le plus fascinée à mon arrivée. Alors j'ai voulu approfondir le sujet en interviewant des amis qui le vivent au quotidien. Ce premier épisode est avec Camélia, qui vient du Rwanda et est arrivée en même temps que moi pour étudier les arts libéraux. On parle des langues au Rwanda, de son expérience d'étudiante internationale au Canada et des différences culturelles entre le Rwanda et le Canada. C'est ma toute première interview et je suis désolée pour la qualité audio à la fin de l'épisode parce qu'un aspirateur a décidé de prendre la parole au micro. J'espère que cette conversation vous plaira à écouter autant que j'ai aimé l'enregistrer. Bonne écoute et je vous présente Camélia. Je m'appelle Camélia Semigabo, je suis rwandaise. J'ai 18 ans et voilà, je vis à Montréal pour les études. Je parle couramment le français, l'anglais et le kinyarwanda qui est la langue du Rwanda d'où je viens. Sinon, je comprends le swahili. J'étudie à une école belge à Kigali au Rwanda, donc c'est là que j'ai appris le français. Et j'avais quelques heures d'anglais et puis la plupart des films, des chanteurs que j'écoute parlent anglais. Puis le kinyarwanda, c'est ma langue natale, donc je l'entendais à la maison ou quand on va au restaurant, dans la rue. Et le swahili, c'est parce que mes deux parents ont vécu une majeure partie de leur vie au Congo. Mm-hmm. Donc mes oncles, mes tantes, tout le monde parle swahili. Ok, donc ils parlent swahili, mais toi t'as pas appris à le parler, c'est ça? Oui, parce que je réponds en français parce que j'arrive pas trop à parler. Ok, donc tu parles français aussi à ta famille ou juste, français, juste à l'école? Ouais, on parle tous français. Ça c'est la langue que tout le monde parle. Mm-hmm. Sinon, ben, y en a d'autres qui parlent swahili, lingala, qui est aussi une autre langue au Congo. Ok. Ouais. Tu parles avec ta famille, avec tes amis, tu parles... Dans ma famille, comme tout le monde parle français, on opte pour le français, comme ça il n'y en a pas qui se sentent délaissés s'ils ne parlent pas une certaine langue. Mais sinon, je parlais kinyarwanda avec les gens qui travaillaient chez moi, comme le gardien ou le cuisinier. Et quand on va au restaurant, dans la rue, les autres personnes avec qui je ne suis pas proche. Mmh. Ou souvent, les personnes plus âgées ne parlent pas français, comme les grands-parents. Pas les miens, mais d'autres grands-parents en général, oui. Donc c'est vraiment la langue locale de la ville où tu habites, c'est kinyarwanda. Ouais, la première langue, c'est le kinyarwanda, comme on vit au Rwanda. Ensuite, il y a l'anglais ou le français, ça dépend. Et en dernier, le swahili. Ok. Ouais. Et avec tes amis, tu parlais quelle langue? Avec mes amis, c'est français, vu que français, on était tous à l'école belge. Mais en fait, on fait souvent un mix. Les Rwandais font souvent un mix. On commence une phrase en français, on la continue en anglais, on la termine en kinyarwanda. C'est courant. Donc les gens parlent anglais aussi couramment Ouais, le Rwanda, c'est un pays anglophone aussi. Donc la plupart des gens parlent anglais, surtout que c'est une langue internationale. Quel a été le choix d'étudier dans un lycée belge, dans une école belge? En fait, ça a été une pure coïncidence parce que j'ai commencé l'école je suis née en janvier, donc quand j'ai commencé l'école, je n'avais pas encore 3 ans. Et pour commencer la maternelle, il faut avoir 3 ans. Donc ma mère, elle a un peu appelé partout avec les contacts. Et l'école qui a accepté de me prendre malgré mon âge, c'était l'école belge. Ok. Oui. Donc c'est vraiment une coïncidence. Sinon, tu aurais été dans une école qui parlait... kinyarwandais ou qui parlait anglais? Pas vraiment, parce que pour le kinyarwanda, si je parlais kinyarwanda, pour par exemple corriger mes devoirs, ma mère, elle a vécu toute sa vie au Congo. Donc elle-même, quand elle parle kinyarwanda, elle a appris quand elle est venue se marier ici avec mon père. Mm. Donc pour elle, elle est plus... Elle parle swahili. Oui, elle parle beaucoup plus swahili et français que kinyarwanda. Ok. Du coup, ça aurait été plus dur pour corriger les devoirs. Et puis aussi, ils pensaient m'emmener à l'université, peut-être en Belgique, en Europe. Donc si je parlais kinyarwanda, ce serait assez compliqué. Et pour l'anglais de même, ils parlent mieux français et swahili que anglais, donc ça aurait été mieux une école française et la meilleure école francophone à Kigali, c'est l'école belge. Mais... Ok. Parce que le Rwanda, c'est un pays qui est plutôt anglophone, mais le Congo, c'est plutôt francophone, c'est ça? Le Rwanda, c'est un peu des deux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus anglophone dans le sens où l'anglais est une langue internationale. Donc la plupart des gens qui viennent au Rwanda, ils parlent anglais pour le tourisme. La plupart des gens qui viennent de l'extérieur parlent anglais. Et puis... Donc il y a les deux parce qu'il y a même des... Dans les pays limitrophes, il y a par exemple le Burundi, le Congo, qui sont des pays francophones, beaucoup plus francophones. Mm-hmm. Puis il y a aussi la Tanzanie, etc., qui sont plus des pays anglophones, donc ils se retrouvent entre les deux. Mmh. Donc c'est vraiment un mélange entre plein de langues, les langues locales, les langues internationales. Oui. Et donc toi, par rapport à ton rapport avec les langues, est-ce que tu associes chaque langue avec un différent rôle ? Par exemple, si naturellement, quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas parler dans une langue ou une autre ? Ouais, justement, ça dépend de qui est mon interlocuteur. Par exemple, quand je vais au restaurant, mon premier réflexe, c'est parler Kinyarwanda parce que des fois, on dit des mots en français et certains serveurs ne comprennent pas, mais ils ne vont pas forcément nous le dire, donc on n'aura pas la commande qu'on veut. Pareil pour l'anglais, donc mon premier instinct, c'est de parler Kinyarwanda. Après, si je croise, par exemple, des amis à ma mère, je sais que d'office, ils vont parler français. Quand je parle avec mes amis, c'est français. Mais quand je suis, par exemple, en dehors de l'école, je vais plus parler anglais avec les autres jeunes parce que la plupart des autres écoles sont anglophones. Enfin, les gens que je fréquente des autres écoles sont anglophones. Et donc là, les jeunes au Rwanda, ils parlent, eux, ils parlent en général plutôt anglais, plutôt français, plutôt kinyarwanda. C'est plus anglais parce qu'il y a plus, déjà, il y a plus de bonnes écoles anglophones et même des écoles un peu moins réputées anglophones. Et le président parle beaucoup mieux anglais aussi, donc la plupart des gens parlent anglais. Donc la langue politique, on peut dire, c'est l'anglais. Anglais, Kinyarwanda, il y a quand même du français. Est-ce que tu as un rapport émotionnel à une langue ou une autre ? Parce que tu dis que ta langue maternelle, du coup, c'est... Le Kinyarwanda. Kinyarwanda. Mais ta mère te parle en français ? Oui. Donc... En fait, non, ma mère, elle nous parlait en français, vu qu'on allait à l'école en français, ma petite sœur et moi. Mais à un certain âge, elle a réalisé qu'on parlait mieux français que ce qui est censé être notre langue maternelle, le Kinyarwanda. Et depuis, elle ne nous parle qu'en Kinyarwanda. Après, s'il y a des amis qui viennent qui ne parlent pas le Kinyarwanda, elle va nous parler en français, mais sinon, elle ne nous parle qu'en Kinyarwanda. Mm-hmm. Mais... Donc, au niveau émotionnel, est-ce que tu associes différentes émotions à une langue ou une autre ? Oui, dans le sens où, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise avec le français vu que j'ai étudié en français. Donc, si j'ai vraiment envie de m'exprimer directement comme ça, je vais parler en français. Okay. Parce qu'il y a certains mots qui ne viennent pas dans les autres langues, par exemple, que je ne trouve pas. Après, le Kinyarwanda, c'est une langue assez, je sais pas, assez spéciale dans le sens où... par exemple, si je t'insulte en Kinyarwanda, ça fait beaucoup plus mal que si je t'insulte en français ou en anglais. C'est vraiment une langue... c'est une langue assez... Ouais, qui a conservé beaucoup de sa culture. Par exemple, si je te dis en français, je sais pas, tu es une vache, ça va pas autant te toucher. Quand Kinyarwanda, c'est vraiment une insulte assez importante. Et ouais, j'aime bien le Kinyarwanda parce que même les blagues, elles sont beaucoup plus marrantes. Après, l'anglais, je trouve ça... J'aime bien l'anglais parce que, je sais pas, ça me fait penser aux films, aux célébrités. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Et t'étudies en anglais, hein, c'est ça ? Maintenant, oui, j'étudie en anglais. Est-ce que du coup, c'est une langue plus académique aussi ou... Je dirais pas plus académique parce que bon, la plupart, par exemple, des livres qu'on lit, ils étaient de base en français. Mais moi, je le vois plus oui, comme une langue que je vais parler avec des gens avec qui je ne suis pas proche. Je le vois comme des gens avec qui je ne suis pas proche. Ou quand je dois faire des trucs académiques, scolaires. Est-ce que tu voudrais que ton niveau d'une langue évolue ou ta relation avec une langue évolue ? Par exemple, tu dis que tu comprends le swahili mais tu ne le parles pas. Est-ce que tu voudrais... En fait, toutes les langues. Parce que en français, je dirais que d'une certaine manière, je n'ai pas vraiment besoin de l'améliorer. Je parle assez bien français. Après, le kinyarwanda, j'aimerais bien l'améliorer, malgré le fait que je parle quand même assez bien. Le swahili, je commence déjà, des fois je parle avec ma mère en swahili, j'essaie d'écrire. Et il y a aussi le lingala, ma mère parle souvent lingala quand elle veut parler derrière mon dos. Lingala, c'est une langue qui est parlée au Congo aussi. Au Congo. Okay. C'est juste qu'elle a vécu à Bukavu et à Kinshasa. Bukavu, c'est plus swahili et Kinshasa, plus lingala. Okay. Donc toutes les stars que vous entendez comme, je sais pas, Naza, K-Black, etc., ils parlent souvent lingala dans leurs chansons, Koffi Olomide, etc. Donc c'est une langue que j'aimerais beaucoup amélioré, malgré le fait que je comprends pas trop. Et l'anglais aussi, parce que je parle assez bien anglais, mais des fois j'ai des blocages, il y a des mots que je trouve pas, même si je les connais. Donc. T'es de quelle ville au Rwanda ? Kigali, qui est la capitale. C'est la capitale, oui. Ok. Et quand est-ce que t'es arrivée à Montréal ? Je suis arrivée début septembre. Début septembre, oui. Pour faire tes études, du coup. Oui, pour faire mes études universitaires. Ok. Qu'est-ce que t'étudies ? liberal arts, les arts libéraux. Quelle était ton impression en fait en arrivant à Montréal? Déjà, ça m'arrangeait beaucoup que ce soit une ville bilingue, parce que des fois je commence à dire un truc en anglais, puis je me rappelle pas la suite en anglais, donc je peux continuer en français. Mm-hmm. Du coup, je pouvais non seulement garder mon français, parce que je connais des gens qui sont déjà allés étudier par exemple en Angleterre, et qui du coup, après j'ai pas 10 ans, ils oublient une partie de leur français. Je trouve ça assez dommage, du coup ça m'arrange de pouvoir exercer mon français et améliorer mon anglais par la même occasion. Après, c'est vrai que c'était un très grand changement parce que je viens de Kigali, qui est une ville très petite, vraiment très petite, où tout le monde se connaît, chaque coin de rue, on croise quelqu'un, on se dit bonjour. Mais ici, c'est une super grande ville, après avec la température aussi. Ah ouais, ça n'a rien à voir, parce qu'à Kigali, il n'y a jamais un moment où il fait très froid ou très chaud. On passe toute l'année en t-shirt, de temps en temps avec des pulls. Il y a juste deux saisons, saison sèche et saison des pluies. Donc c'est pas extrême, mais ici je suis vraiment arrivée à l'autre bout. Soit il fait très chaud, soit il fait très froid. Mais sinon, par exemple, le rapport humain, je trouve qu'ici les gens sont beaucoup plus chaleureux. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. Les gens, ils sont prêts à t'aider, à t'écouter, souriants. Donc ça a été un choc pour toi, le fait d'avoir des extrêmes comme ça. Et est-ce que ça t'a un peu affecté émotionnellement ou c'était... Oui, ça a été un choc parce que je n'ai jamais vécu d'hiver. J'ai vécu un hiver, c'était pendant les vacances de décembre. Mais il faisait pas si froid que ça, c'était en Angleterre et en Belgique. Il faisait pas si froid que ça. Donc dans ma tête, quand on parlait d'hiver au Canada, je me disais que c'était la même chose. Mais ça n'a rien à voir, c'était vraiment un choc. Surtout quand il faisait dans les moins 30. Ouais, c'est des moments où on se demande en fait qu'est-ce que je suis venue faire là. Mais sinon, émotionnellement, pas du tout. Parce que comme je l'ai dit, les gens sont vraiment très chaleureux. Ils ont, malgré le fait qu'il fasse froid, les gens n'ont pas l'air aigris selon ce que moi j'ai vécu. Les gens, ils sont toujours là pour t'aider. Donc le côté humain pallie un peu le... Ouais, beaucoup. Okay. Bah, heureusement d'ailleurs. Et pourquoi t'avais choisi d'étudier à Montréal spécifiquement? C'était surtout parce que mes parents voulaient que j'étudie en anglais, vu que j'avais déjà commencé en français autant étudiant dans une autre langue. Donc les universités que j'avais choisies, c'était plus États-Unis ou Canada. Mais ça arrangeait plus ma mère de venir ici à Montréal parce qu'elle a une sœur qui vit ici, d'autres amis. Comme ça, je me sentirais moins seule. J'aurais de la famille autour si j'ai besoin d'aide, s'il y a une urgence, quoi que ce soit. Et puis j'ai aussi notre tante qui m'avait parlé de Concordia justement, qui me dit que c'était une très bonne université, qu'il y avait un programme. C'est elle aussi, en fait, qui m'a parlé du programme des arts libéraux. Ok. Donc, t'as la famille ici, ça t'a... Ouais, j'ai aussi beaucoup d'amis. Bon, pas à Montréal, mais à Ottawa. Ok. Et donc, voilà, on se voit de temps en temps, pendant les week-ends, les vacances. Et pourquoi Montréal plutôt que Ottawa, du coup? Ma mère voulait que je... Parce que je suis quelqu'un d'assez sociable, dans le sens où quand je suis dans ma zone de confort, je vais beaucoup parler avec les gens, interagir avec eux. Mais quand on m'amène dans un endroit où je connais personne, je vais pas faire l'effort d'aller vers les gens. Et ma mère s'est dit que si j'allais à Ottawa, comme il y a beaucoup de Rwandais que je connais, beaucoup de mes amis, elle s'est dit que j'allais rester dans le même groupe de personnes. Donc elle a préféré que j'aille à Montréal où je serais obligée du coup de me faire de nouveaux amis, de sortir de ma zone de confort. Et puis en même temps, je pourrais quand même voir mes amis durant les week-ends ou les vacances. Est-ce que tu trouves que ça a été bénéfique pour toi, du coup, d'aller dans l'inconnu comme ça? Ben ouais, beaucoup, parce que les deux premières semaines, ma mère était avec moi à l'université, quand on devait faire tous les trucs concernant la paperasse, prendre sa carte d'étudiant, aller payer le Minerval, etc. Du coup, je faisais rien, je m'asseyais, et c'est elle qui cherchait, qui montrait tout, c'est là que tu dois passer, c'est là le bureau de telle ou telle chose, je faisais rien. Quand on allait... Il y a un truc dans notre programme, les arts libéraux, tous les jeudis, un coffee hour, une heure de café où les gens vont discuter. Et moi, j'y allais avec ma mère, mais c'est ma mère qui discutait avec les gens, du coup. Et quand elle est partie, voilà, j'étais obligée de tout faire toute seule. Au début, c'était assez dur, mais ça te force, en fait, à dépasser tes limites, en quelque sorte. Tu dois faire les choses toi-même, et voilà, tu grandis, en fait. Et... sur quel point t'as trouvé que t'as changé ou que t'as grandi, du coup, en habitant toute seule? Déjà, t'es obligée de t'organiser parce que ici, les choses vont très vite déjà. T'as pas le temps de t'asseoir et te reposer. Et personne va faire ta vaisselle pour toi, personne va cuisiner pour toi, personne va te déposer. C'est quelque chose auquel j'étais habituée quand j'étais à Kigali. Il y avait toujours une voiture, mon père me déposait ou ma mère, ou on me donnait une voiture. Il y avait des gens qui cuisinaient pour moi. Enfin, voilà, je faisais pas grand chose. Donc j'avais assez de temps libre, on va dire. Et si tu dois t'organiser. Et puis, t'es dans l'inconnu en fait, donc tu es obligé d'aller vers les gens que tu connais pas si t'as besoin de renseignements. T'es obligé de te fixer des objectifs et les atteindre parce que personne va les faire pour toi. Ouais. Est-ce que tu trouves que t'es devenue un peu plus confidente, que t'as plus confiance en toi du coup, à prendre l'habitude d'aller vers les autres? Parce que en fait, vraiment, j'ai jamais changé d'école, par exemple. Du coup, j'ai toujours été dans la même école, toujours les mêmes amis, entre guillemets. Toujours, dans mon même cercle, dans une bulle, en fait. Et là, le fait de venir ici et d'être dans l'inconnu du jour au lendemain, sans ma petite sœur, sans ma mère, sans mon père que je voyais tous les jours, mes cousins, etc. Je dirais que mon côté timide est plus ressorti. Je savais pas en fait que j'étais timide avant de venir ici. Du coup, je saurais pas répondre à cette question. Je sais pas si je suis devenue plus confiante ou moins. Mais je sais que je fais plus d'efforts en tout cas. T'es devenue plus autonome aussi? Ouais, beaucoup plus. Oui, tu parlais de la différence entre Montréal et Kigali. Parce que Kigali est beaucoup plus petit que Montréal. Ouais. Sur quel point tu trouves qu'il y a vraiment un changement de culture, peut-être, ou... Ah ouais, de culture, déjà, à Kigali, on garde beaucoup les valeurs anciennes, les traditions. Il y a vraiment un accent dessus. C'est une ville où les gens sont assez introvertis, assez renfermés, en fait, assez réservés. Les gens ne vont pas, exposer leur vie comme ça, ou porter, je sais pas, même niveau habillement, on va pas... À dépasser un certain âge, tu ne verras pas une femme porter une mini-jupe ou des shorts, des habits assez voyants, des cheveux de couleur assez voyants. Et donc, quand je suis arrivée ici, les gens ici, ils sont assez, libres. Les gens, si tu veux des cheveux rose fluo, t'auras des cheveux rose fluo, personne ne va regarder. Les gens mangent dans le métro, par exemple, à Kigali, c'est vu de manière impolie. En fait, c'est impoli de manger devant quelqu'un, si tu ne lui donnes pas de ta nourriture, par exemple. Donc, on conseille de ne pas manger dans la rue. Bon, il y a des gens qui le font, c'est pas quelque chose de transcendant, mais voilà. Et voilà, surtout le côté extraverti d'ici qui change. Par exemple, ce qui m'a choqué, c'est que la première fois qu'on a eu office hour, enfin l'heure où on va voir les professeurs pour, si on a des questions, parler de quelque chose avec eux, il y avait des gens qui allaient parler de leur vie privée, par exemple. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Et voilà, je trouve que c'est assez bien si ça peut les aider à se libérer. Mais par exemple, ça, il n'y a pas au Rwanda. Les gens ne vont pas. Ils ont une certaine retenue. Oui. Et aussi, niveau, atmosphère. Les gens au Rwanda ne sont pas... Enfin, Rwanda, Kigali, ne sont pas méchants. Mais on a cette tendance à avoir resting beach face. Un visage assez froid. Mais moi, je l'ai des fois... On peut vous fixer, vous pensez qu'on vous regarde mal, mais en fait, c'est juste, qu'on est perdu dans nos pensées ou quoi. Et donc, il y a cette tendance assez froide, t'as l'impression que les gens sont assez froids avec toi, alors que c'est juste une apparence. Tandis qu'ici, les gens, ils sourient beaucoup, ils sont... Voilà, ils ont l'air assez... assez amical. C'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué de... Ouais, ça m'a beaucoup marqué, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Je sais pas, quand tu passes ta journée comme ça, quelqu'un te fait un simple sourire quand tu vas acheter ta nourriture ou quoi... Ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu voudrais apporter un peu de cette atmosphère-là à Kigali ou... Je pense que c'est juste différent. Ce serait beaucoup mieux parce que, parlant de moi-même, par exemple, je trouve qu'ici, je me sens beaucoup mieux, en fait, dans le sens où, les gens sont agréables. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai passé, depuis que je suis ici, une journée assez mauvaise, en quelque sorte, ou quoi. Ça, même si, par exemple, tu peux être triste ou énervé, en voyant des gens te sourire, être joyeux, être agréable, ça fait toujours plaisir. Du coup, ouais. Et au niveau de la culture du travail, peut-être, est-ce que tu trouves que c'est différent comme, Oui. Par exemple, à Kigali, les gens ne sont pas pressés. les gens, c'est comme si l'heure s'arrêtait pour eux. Les gens ne sont pas pressés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas au travail, mais bien évidemment, ils vont au travail, mais tu ne verras pas les gens comme ici. Ben, par exemple, le matin, quand je viens à l'école et qu'il y a des gens qui vont au travail, au métro, je vois des gens qui courent, alors que bon, il y a un métro toutes les 4-5 minutes, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui me choque, en fait. Les gens ici sont toujours stressés, en train de faire quelque chose pour le travail. Les gens sont... C'est très carré, en fait. Ils suivent vraiment les règles ici, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tandis qu'à Kigali, ben, par exemple, tu peux aller chez le dentiste... La dentiste, elle est sur Facebook. Là, c'est quelque chose d'assez choquant. Ou même, ben, par exemple, concernant le travail, les serveurs. Les serveurs là-bas, ils vont pas courir pour t'amener ta nourriture ou quoi. Bon, c'est assez... C'est un pays où les gens sont assez relax, on va dire. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a affecté? Est-ce que t'es devenue un peu plus dans l'esprit de productivité ou de... Je trouve qu'il faut un juste milieu. Je trouve que c'est bien de suivre les règles. Si on te dit d'être là, par exemple, à 13h, tu es là à 13h et pas, je sais pas, 13h30, 14h. Voilà, ils ont des objectifs et ils font tout pour l'atteindre. Je trouve que c'est quelque chose de bien, mais j'essaie de ne pas être ce genre de personne stressée qui court après un bus ou un métro. Si ça n'en vaut pas autant la peine, je suis pas en retard. Donc, oui, je trouve que c'est bien, voilà, d'être... d'avoir des tâches à faire et les accomplir, mais je suis quelqu'un d'assez patient en général, donc je cours pas partout, je vis la vie. Donc toi, ton attitude n'a pas vraiment changé? Non, elle n'a pas vraiment changé, c'est juste que voilà, maintenant je suis obligée de m'organiser un peu plus, on va dire. Ok. Ouais. Et est-ce que tu penses que l'architecture de Montréal, peut-être, les grands buildings comme ça, ça... Oui, c'est pas aussi marquant que ça. Bon, les buildings sont assez grands, oui. Par rapport à Kigali, où... Bon, c'est pas que tout est plat, mais il y a une vision 2020, un plan qui a été mis en place, que maintenant, il faut que la plupart des bâtiments en ville, par exemple, tous doivent être de minimum 2 étages ou quelque chose comme ça. Donc, ça change. Et puis, par exemple, vis-à-vis des maisons, moi, ma maison, il n'y a pas d'étage. Et j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas d'étage dans leur maison, donc oui, je suis plus habituée, on va dire, à des buildings moins hauts, mais sinon c'est pas aussi choquant que si j'allais par exemple à New York ou à Dubaï où il y a des gratte-ciels. Tu trouves que Montréal est en juste milieu entre une ville et... Oui, quand même. C'est pas choquant. C'est pas choquant, ok. Et comment tu décrirais l'esprit de Montréal un peu en 3 mots? Convivial, productif et froid. Vraiment, si, il fait froid. Ok. Ben, merci pour ton temps, merci pour cette interview. Merci à toi aussi. C'est la fin de cette conversation avec Camélia. Je suis encore désolée pour la qualité audio à la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié la conversation. Je vous laisse partager cet épisode sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Le prochain épisode sera une conversation avec Aaron, un ami anglophone natif de Montréal. Je vous dis à bientôt, vous étiez sur le Talkie Walkie Walkie Talkie Podcast.